21-10, observation, masculin et féminin. Une addition, une soustraction, une multiplication. Une fiction, une nation, la natation. Une conversation, une admiration, une reproduction. Une éducation, une exploration, une interrogation. Notez que tous ces noms se terminent par T-I-O-N et qu'ils sont féminins. Notez que T-I-O-N se prononce Sion.